Chapitre 10, troisième chant de Sigurd, vainqueur de Fafnir. Et il advint que Sigurd alla visiter Gjuki. Le descendant de Volsung revenait du combat. Il fit alliance avec les deux frères, et ses hommes intrépides se jurèrent amitié. Et on lui donna une vierge, la jeune Gudrun, la fille de Gjuki, et une quantité d'or. Pendant plus d'un jour, le jeune Sigurd et les fils de Gjuki burent ensemble en toute confiance, jusqu'à ce qu'ils partirent pour conquérir Brunhild. Brunhild n'est autre que Sigurd Riffa, mais ce dernier nom est celui qu'elle portait comme Valkyrie. Ils prièrent Sigurd de les accompagner parce que le jeune descendant de Volsung connaissait les chemins. Elle aurait été à lui si le destin l'avait permis. Sigurd, l'homme du sud, place son épée, cette arme brillante, sur le lit entre eux deux. Le chant islandais trahit l'origine allemande de la tradition en appelant Sigurd in Zudreni, l'homme du sud. Il l'était en effet par rapport au pays scandinave. Le chef des Yunen ne baise point la reine et ne la prend point dans ses bras. Ces Yunen, Hunar, signifient d'après les commentateurs la tribu germaine dont Sigurd était le chef. Mais ce nom ne rappelle-t-il pas plutôt les véritables Huns dont le nom est employé dans le Nord tout simplement pour signifier une nation puissante en Allemagne? Il donne la jeune fille à l'héritier de Gjuki. La belle vierge était sans reproche et son corps sans souillure. On ne pouvait trouver en elle rien à reprendre. Mais d'énormes ennemis intervinrent. Le soir tombe et seule elle est assise dehors et elle se prend à parler tout haut. « Je veux mourir ou presser dans mes bras Sigurd, le beau jeune homme. Mais non, je me repens de cette parole imprudente. Gudrun est sa femme, et je suis celle de Gunnar. Des nornes hostiles nous causent de longs tourments. » Souvent, vers le soir, l'âme déchirée, elle erre sur la neige et les champs de glace, tandis que Sigurd va reposer à côté de Gudrun, et que le noble chef reçoit dans sa couche sa femme charmante. Pleine de colère, elle excite les princes au meurtre. « Désormais, Gunnar, tu dois renoncer à moi et à mes terres. Près de toi, ô roi, j'ai cessé d'être heureuse. Je veux retourner dans ma patrie, vers mes amis et mes parents, et là, je veux finir ma vie dans la solitude, si tu ne tues point Sigurd, et si tu ne commandes pas à 100 autres chefs en t'en faisant craindre. Que le fils disparaisse avec le père, il serait peu sage d'épargner le rejeton du loup. Tant que vit le fils, quel est l'homme qui peut croire que par le rachat du meurtre il ait satisfait la vengeance ? » Gunnar devint sombre et son âme s'emplit de tristesse. Il demeura tout le jour silencieux, sans savoir à quoi se résoudre. Il ne parvenait pas à voir ce qui lui convenait de faire et ce qui valait le mieux pour lui. Il songeait à la mort du descendant de Volsung et il ne pouvait se consoler de la perte de Sigurd. Indécis, il s'arrêta aussi longtemps à l'une qu'à l'autre résolution. Il était bien rarement arrivé qu'une femme renonçât à la dignité de reine. Il fit appeler Högni pour consulter avec lui, car il avait pleine confiance en lui. Gunnar. Brunhild, la fille de Budli, m'est plus chère que tout au monde, elle, la plus noble des femmes. Je préfère quitter la vie plutôt que de renoncer à sa beauté et à ses trésors. Nous aideras-tu, Högni, à tuer le héros? Il est bon de posséder l'or du Rhin, de disposer de ce riche trésor suivant son plaisir et de jouir en paix du bonheur. » Mais Högni lui répondit, « Nous ne pouvons commettre ce crime de violer avec le fer nos serments solennels et la foi jurée. Personne sur la terre n'est aussi heureux que nous quatre qui gouvernons ici les peuples tandis que le chef des Yunen vit avec nous et nul n'a une parenté aussi dévouée. Si nous cinq nous élevons des fils, nous pourrons vaincre les descendants des dieux. Je vois bien d'où vient la route que tu suis. Brunhild te tourmente. Tu ne peux la satisfaire. Poussons Guttorm, notre jeune frère, à accomplir le meurtre. Son esprit est encore faible. Il n'a point eu de part à nos serments solennels, ni à la foi jurée. Il était facile d'entraîner le jeune imprudent. Le fer est fixé dans le cœur de Sigurd. » Le héros se soulève sur sa couche pour se venger. Il lance son épée vers le meurtrier au cœur de loup. L'arme terrible vole des mains puissantes du roi vers Guttorm. Le coup a fendu en deux l'ennemi qui s'affaisse. La tête et les mains sont jetées d'un côté. De l'autre, les jambes tombent sur le sol. Sans souci, Gudrun reposait sur la couche à côté de Sigurd. Son réveil est sans joie. Elle est baignée dans le sang de l'ami de Freyr. Elle se frappe les mains l'une contre l'autre, si violemment que le héros se lève sur son lit. « Ne t'irrite point, Gudrun, si terriblement. Tes frères vivent encore, ô ma jeune épouse. J'ai un fils trop jeune encore pour fuir seul loin de la demeure de ses ennemis. Les princes ont tramé nuitamment à la lune nouvelle de noirs d'odieux complots. Quand tu aurais 7 fils, jamais ils n'auront un neveu qui chevauche aussi bravement vers le champ de bataille. Je sais bien qui a préparé le crime. C'est Brunhild seule qui a tout fait. La Vierge me préférait à tout autre homme. Mais je n'ai point trahi Gunnar. J'ai respecté mon serment envers mon allié, et pourtant on m'appelait l'amant de sa femme. » Gudrun soupira. Le roi mourut. Elle se frappa les mains l'une contre l'autre, si violemment que les verres résonnèrent sur les planches où ils étaient posés, et que les oies crièrent aigrement dans la basse-cour. Et Brunhild, la fille de Budli, se mit à rire cette fois encore de toute son âme, quand les cris perçants de la fille de Gjuki pénétrèrent jusque dans sa chambre. Gunnar, le maître des faucons, parla. « Ô femme avide de sang, ne ris pas ainsi joyeusement dans notre salle, comme si le meurtre te causait de la joie. Comme tes belles couleurs s'en vont, toi qui as causé la mort, on dirait que tu vas mourir. Tu mériterais que sous tes yeux nous tuions Atli, afin que tu puisses voir les sanglantes blessures de tes frères, sanglantes blessures que tu pourrais alors penser. » Brunhild, la fille de Budli, parla. « Qui t'accuse, Gunnar? Tu t'es bien vengé. Tes menaces n'inquiètent guère Atli. Il vivra plus longtemps que toi et sa puissance sera plus grande. Laisse-moi te le dire, Gunnar, et tu ne l'ignores pas. Combien vite tu étais prêt à commettre l'action. » Ce mot peut se rapporter au meurtre de Sigurd, mais il rappelle plutôt l'artifice employé pour obtenir Brunhild. « Jeune encore, j'étais assise sans souci dans la demeure de mon frère, avec mon riche trésor. Je n'avais nul besoin qu'un homme m'offrît la Morgengab, quand vous apparûtes dans notre garde sur vos coursiers, vous trois, chefs des guerriers. En vérité, je n'eus pas à me réjouir de votre arrivée. Je m'étais fiancée au chef qui était assis sur le dos de Grani avec son or. Il n'avait pas tes yeux, il n'avait rien de ton visage, quoique tu pusses aussi avoir l'apparence d'un roi. Atli me dit à moi, jeune fille, qu'à moins que je ne prisse un époux, il ne me donnerait la moitié ni du patrimoine, ni de l'or, ni de la puissance, et que je n'aurais rien des trésors conquis par Budli, ni de l'or que mon père m'avait déjà donné à moi, son enfant. Ma volonté demeura indécise entre les deux parties que je pouvais prendre. Devais-je me lancer dans les combats et tuer les guerriers revêtus de mon bouclier éclatant en sa qualité de valkyrie? À cause de l'injustice de mon frère, on l'eût appris avec terreur, et le courage de mon guerrier en eût été abattu. Atli et moi, nous nous entendîmes. L'or rouge et les anneaux brillants qu'apportait Sigurd m'attiraient. Je ne désirais pas les trésors d'un autre chef. J'en aimais un seul et nul autre. Mon cœur de jeune fille n'était pas changeant. Atli se souviendra de tout cela quand il apprendra la mort de sa sœur, car jamais une femme qui a de nobles sentiments ne voudra vivre longtemps avec un autre que son époux. Mes tourments seront bientôt vengés. » Gunnar se leva, le chef des armées, et il jeta les bras autour du cou de sa femme, et tous accoururent pour arrêter celle-ci dans son funeste projet. Mais elle repoussa tout le monde loin d'elle, et ne se laissa pas détourner du long voyage. Gunnar appela Högni pour le consulter. « Que tes hommes et les miens se réunissent dans cette salle. Le danger nous presse pour essayer d'empêcher la reine de se donner la mort jusqu'à ce qu'elle abandonne sa résolution. Après, il en adviendra ce qui pourra. » Mais Högni répondit, « Personne ne la détournera du long voyage, et jamais elle ne renaîtra. Ceux qui se tuaient eux-mêmes n'étaient pas appelés à renaître. Quand elle est née déjà sur les genoux de sa mère, elle était vouée à la souffrance. Elle est venue au monde pour le mal et pour le malheur de plus d'un guerrier. » Plein de soucis, le héros interrompit l'entretien pour se rendre auprès de la reine qui, parée de ses joyaux, distribuait ses richesses. Toutes ses suivantes, les femmes et les jeunes filles, étaient rangées autour de ses trésors. Elle se revêtit de sa cotte de mailles d'or. Brunhild veut mourir en Valkyrie afin d'être reçue dans la Valhalla. Son âme était sombre et elle se perça d'une épée acérée. Elle s'affaissa de côté sur des coussins. le fer encore dans la blessure, elle songea à ce qu'il lui fallait faire. Qu'elles viennent vers moi, celles qui veulent recevoir de l'or ou d'autres objets précieux. Je donne à qui veut un collier d'or rouge, des joyaux, des vêtements et un riche manteau. Elle désire les engager à se tuer avec elle pour arriver dans le Valhalla avec une suite imposante. Toutes se turent et se prirent à réfléchir jusqu'à ce qu'enfin toutes répondirent à la fois. « Il y a déjà assez de cadavres. Nous voulons vivre encore et demeurer au service ainsi qu'il nous convient. » La jeune femme, vêtue de ses vêtements éclatants, sortit de ses réflexions profondes et dit « Nul ne doit, pour me complaire, mourir malgré elle. Mais si jamais les richesses et les joyaux vous poussent à venir me visiter, votre corps resplendira moins de l'éclat de l'or de la poudre de Mania. Assieds-toi, Gunnar, je veux te parler, moi, ta femme resplendissante, qui suis fatiguée de vivre. Ton navire ne demeurera pas arrêté dans le détroit, quoique je perde la vie. Plutôt que tu ne peux le croire, Gudrun s'apaisera. La droite reine aux côtés du roi nourrit de sombres pensées en songeant à son époux mort. Une vierge naîtra, et sa mère l'élèvera. Svanhild sera plus belle que le jour brillant, plus belle que le rayon du soleil. Tu accorderas Gudrun à un héros qui fera périr plus d'un guerrier à coups de flèche. Elle ne se mariera pas au gré de ses désirs. Atli, mon frère, fils de Budli, l'épousera. Je réfléchis maintenant à tout ce que vous m'avez fait, quand vous m'avez trompé par vos ruses. Depuis lors, j'ai vécu sans joie et sans bonheur. Tu voudras posséder Odrun, et Atli se refusera à te l'accorder pour épouse. Mais vous vous rencontrerez en secret, et elle t'aimera comme je t'aurais aimé si les Nornes hostiles ne s'y étaient opposées. Atli t'infligera une dure peine, il te jettera dans les fosses aux serpents. Mais bientôt, après le destin ennemi, atteint aussi Atli, son bonheur est détruit, il perd la vie. Gudrun, la femme désespérée, pleine de fureur, le tue avec l'épée dans son lit. Il vaudrait mieux que notre sœur montât aujourd'hui sur le bûcher de son époux et maître, si les esprits sages lui donnaient un bon avis, ou si elle avait un cœur comme le nôtre. Déjà, je parle avec peine, mais notre inimitié ne fera pas succomber Gudrun. Portée par les vagues soulevées, elle abordera aux rivages escarpés de Jonakur. Ils ne s'entendent point, les fils de Jonakur. Elle envoie hors du pays Svanhild, la fille qu'elle avait eue de Sigurd. Les conseils de Biki amènent sa mort, car le malheur poursuit la race de Jormunrek. Ainsi finit tout entière la race de Sigurd, et le désespoir de Gudrun en devient plus grand. Les prédictions de Brunhild se rapportent ici à des événements qui n'ont point trouvé place dans la tradition d'où est sorti le Nibelungenot. Mais ces événements formaient un cycle poétique dont Hermanric était le centre. Ce cycle était aussi répandu que celui de Sigurd, comme nous le voyons dans les Jornandes de Rebus Gethisis, chapitre 23. Je t'adresse encore une prière, c'est la dernière que je te fais en ce monde. Élève dans la campagne un bûcher assez grand pour nous recevoir, nous tous qui mourrons avec Sigurd. Entoure ce bûcher de boucliers et de draperies, de riches linceuls funéraires et de la foule des morts, et qu'on brûle à mes côtés le chef des Yunnan. Qu'on brûle à mes côtés d'une part le chef des Yunnan, de l'autre mes serviteurs ornés de leurs riches joyaux, deux à la tête, deux aux pieds, deux chiens en plus et deux faucons. Ainsi tout sera également réparti. L'original est incomplet, ne porte que deux à la tête et deux faucons. Nous traduisons d'après la restitution de Grimm, adoptée par la plupart des traductions allemandes. Mais qu'on place entre nous deux la brillante épée, le fer à serrer, comme lorsque nous partageâmes la même couche, et qu'on nous donne le nom d'époux. Ainsi les portes de la Valhalla, toutes resplendissantes, ne se fermeront pas sur le prince, comme ma suite marchera derrière lui. Notre voyage ne se fera pas pauvrement. Car le suivront cinq de mes vierges et huit serviteurs de noble origine, mes sœurs de lait, mes hommes liges que Budli donna à sa fille. Je parlerais encore, j'en dirais bien davantage si le destin m'accordait plus de temps, mais ma voix s'éteint, mes blessures se gonflent. Aussi sûr que je meurs, je n'ai dit que la vérité.